Ainsi se termine cette nuit consacrée à André Bazin, une nuit passée en votre compagnie, Marianne Dautrey, Hervé Joubert-Laurencin. La grande question d'André Bazin, qu'est-ce que le cinéma? A-t-elle encore un présent et peut-être un avenir? Hervé Joubert-Laurencin. La réponse est oui, alors que pendant des générations, on a pensé qu'il allait mourir. Bazin ne l'a jamais dit. Il a dit que le cinéma peut mourir, mais il n'est pas mort. Donc, la question est toujours valable et je crois qu'elle dépasse très très largement les films qu'on voit dans une salle et qu'elle a aujourd'hui, et c'est une question complètement élargie dans le monde dans lequel on vit. Alors que le jour va bientôt se lever, pourquoi écrire, Hervé Joubert-Laurencin, que nous devons nous réveiller de Bazin et que nous ne pourrons le faire qu'avec Bazin ? Ah, ça doit être la fin du livre que j'ai écrit et que j'ai appelé Le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est celui dans lequel on est à moitié éveillé, à moitié... Et le sommeil de Bazin, c'est qu'on avait oublié Bazin. Alors, il faut se réveiller, mais il faut se réveiller avec lui. C'est-à-dire qu'il va nous aider à nous réveiller. Il va nous aider à parler d'aujourd'hui, à parler du monde d'aujourd'hui et pas à parler de l'histoire de l'après-guerre ou de la nouvelle vague. En fait, ça ne nous intéresse que parce que il nous parlera de choses d'aujourd'hui avec, comme disait Pasolini, la force du passé. Mais Bazin dans le présent, vous êtes d'accord, Marianne Dautrey ? Oui, absolument. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci Marianne Dautrey, merci Hervé Joubert-Laurencin d'avoir partagé avec nous cette nuit consacrée à André Bazin. J'invite vivement les auditeurs à se plonger dans les écrits complets d'André Bazin aux éditions Macula et dans Le sommeil paradoxal aux éditions de l'Œil. Et je signale que le film Bazin roman que vous avez réalisé tous les deux sera projeté au Forum des images le mardi 21 mai à 20h30 et qu'il sera également projeté le dimanche 9 juin au Festival de l'Histoire de l'Art au Château de Fontainebleau. Chargé de cette émission Hassan Mbechour, à la technique Jordan Fuentes et Louis Bardinet, à la réalisation Virginie Mourté. Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. La Nuit André Bazin est disponible sur le site franceculture.fr où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter quand vous voulez. Très bonne journée à vous, Marianne Dautrey et Hervé Joubert-Laurencin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous propose de terminer cette nuit André Bazin avec François Truffaut, il y a tout juste 60 ans, sur Paris Inter. Aujourd'hui, au Festival de Cannes, grand événement cinématographique français, puisque l'on va voir la projection du premier film de long métrage, film de François Truffaut, Les 400 coups. Et c'est évidemment Simone Dubreuil, qui se trouve à Cannes et qui a convié au micro de Paris vous parle François Truffaut lui-même. François Truffaut était, il n'y a pas longtemps encore, un critique virulent. Il fut même l'année dernière banni du festival pour ses critiques et voici que cette année, il est accueilli en hôte d'honneur par ce même festival. La première question que je vais lui poser, c'est de lui demander s'il aura lui-même peur de la critique. Oui, je suis très inquiet de ce qu'on peut penser de ce film. Parce que quand j'écrivais des articles, j'étais animé du désir de convaincre et je n'ai pas perdu ce désir avec le film et je voudrais de toutes mes forces plaire même à mes ennemis, surtout à mes ennemis d'ailleurs. Alors d'autre part, le film raconte la vie d'un enfant de 13 ans, la vie difficile d'un enfant de 13 ans qui finit dans un centre de redressement. Est-il vrai que ce film soit en partie autobiographique ? Oui, il est en partie autobiographique et de toute façon, ce qui n'est pas directement autobiographique est biographique, c'est-à-dire arrivé à des amis ou à des gens que je connais, c'est-à-dire que rien n'est inventé, tout est puisé dans la réalité. D'autre part, ce film est dédié à la mémoire d'un grand critique qui est mort cette année et qui est André Bazin. Et pourquoi ? Parce que j'ai rencontré André Bazin à la période la plus difficile de ma vie, justement celle de l'adolescence. Et je crois qu'il est entré dans ma vie au moment où mon film se termine. Et sans lui, je n'aurais sûrement pas fait de cinéma.